C'est condomé est une expression que l'on a déjà vue et qui s'emploie beaucoup en italien. C'est condomé signifie selon moi, à mon avis. C'est condomé. Donc, sur ce modèle, si vous voulez demander son avis à quelqu'un que vous vous voyez, vous direz secondo. Secondo lei. Secondo lei, c'est ça. Penser se dit tout simplement pensare. P-E-N-S-A-R-E. Pensare. Et donc, je pense se dit penso. Penso. Et je ne pense pas. Comment dites-vous ça? Non penso. Non penso. Que pensez-vous? Se dit che cosa? Che cosa pensa? Che cosa pensa? Oui. Comment dites-vous? Nous ne pensons pas. Non pensemo. Pensiemo? Ce n'est pas iemo au présent. C'est iamo, pensiamo. Voilà, oui. Le nous au présent se termine en iamo. Non pensiamo. Pensare, tout comme penser en français, s'emploie aussi pour parler de ce que l'on envisage de faire. Par exemple, si vous voulez dire j'envisage de partir, j'ai l'intention de partir, je pense partir. Attention, il y a un « di » après « pensare », alors qu'en français, on passe directement au verbe suivant. En italien, on dit littéralement « je pense de partir ». Penso di partire. Oui, « penso di partire ». Dites-moi maintenant, combien de temps pensez-vous rester ? Quanto tempo pensa di restare? Quanto tempo pensa di restare? C'est ça. Espérer se dit sperare. S-P-E-R-A-R-E. Et donc, j'espère se dira... Spero. Attention à l'accentuation. Spero. Spero. Spero qui s'emploie aussi pour dire je compte faire telle ou telle chose. Après spero, on utilise di. Donc, on aura par exemple spero di venire domani. J'espère venir demain. Dites-moi maintenant, j'espère partir bientôt. Spero di partire presto. Spero di partire presto, c'est ça. Et si vous voulez dire à quelle heure espérez-vous arriver? Que direz-vous? À quelle heure? À quelle ora espérez-vous arriver? Aspetta di a... Non, vous confondez aspettare et... Sperare, pardon. À quelle ora spera di... arrivare? Voilà. À che ora spera di arrivare? Rappelle-moi comment on dit je souhaite. Desidero. D'accord. Desidero. Donc, je souhaite rester ici. Se dit? Desidero di restare qui. Répétez, s'il vous plaît. Desidero di restare qui. Desiderare ne se construit pas comme sperare ou pensare. Il n'y a pas de di. Ah oui, desidero restare qui. C'est ça, desidero restare qui. Ou au lieu de desidero? Voglio restare qui. Voglio restare qui. Je veux rester ici. Ou encore, plus poliment, je voudrais rester ici. Comment diriez-vous ça? Vorrei restare qui. Vorrei restare qui. Encore une autre solution, j'aimerais rester ici. Littéralement, ça me plairait de rester ici. Comment traduiriez-vous ça? Mi piace restare qui. Mi piace, c'est j'aime. Comment dit-on j'aimerais? C'est-à-dire inconditionnel. Mi piacerebbe. Oui, mi piacerebbe. Mi piacerebbe rester ici. Restare qui. Voilà, mi piacerebbe restare qui. Tout est clair maintenant? Oui. Vous voudrez peut-être dire à un moment ou à un autre j'ai envie de faire telle ou telle chose, j'ai envie de rester ici, j'ai envie de sortir ou au contraire je n'ai pas envie de faire telle ou telle chose. Tout d'abord, comment dites-vous je veux ou je souhaite? Voglio ou desiro? Voglio ou desidero. Desidero. Desidero. Oui, alors, si vous prenez voglio et que vous changez la fin, vous obtenez le nom voglia, la voglia, l'envie. Donc, comment diriez-vous « j'ai envie de rester ici » Ho voglia di restare qui. Ho voglia di restare qui. Très bien. Et au contraire, je n'ai pas envie de rester ici. Non ho voglia di restare qui. Bien. Non ho voglia di restare qui. Besoin se dit bisogno. B-I-S-O-G-N-O. Bisogno. Et pour dire j'ai besoin de telle ou telle chose, la construction est parallèle en français et en italien. Donc, comment traduirait-on « j'ai besoin de le faire » ? Ho bisogno di farlo. Ho bisogno di farlo. Bien. Comment diriez-vous maintenant « vous n'avez pas besoin de le faire » ? Non ha bisogno di farlo. Exact, oui. Non ha bisogno di farlo. Et dites-moi, vous n'avez pas besoin de me le dire maintenant. Je ne veux pas le savoir. Non ha bisogno di dirmelo ora. Bien, je ne veux pas le savoir. Non voglio saperlo. Oui, voilà. Non ha bisogno di dirmelo ora. Vous n'avez pas besoin de me le dire maintenant. Non voglio saperlo. Je ne veux pas le savoir. Non ha bisogno di dirmelo ora. Non voglio saperlo.